Chapitre 4. Aux Tuileries. Les membres de cet horrible cénacle sont, pour la plupart, rentrés dans une obscurité qui les a dérobés aux revendications de l'histoire. Quand on veut savoir ce que sont devenus ces hommes de fiel et de sang, qui pendant de longs mois furent les dictateurs de la France, qui s'imposèrent à la législative et à la convention, et par elle au pays tout entier, on est étonné de la stérilité des recherches. Quelques-uns, 8 ou 10, ont conservé une atroce célébrité. Hébert, Rossignol, Léonard Bourdon, Bernard-Xavier Audouin, prêtres apostats, le cordonnier Simon, le journaliste Robert. Plusieurs périrent sur l'échafaud, où ils avaient envoyé tant d'illustres victimes. D'autres se retrouvent parmi les petits employés de l'Empire, tels que Huguenin, qui fut nommé commis aux barrières. Mais pour la plupart, après la dictature de Robespierre, ils rentrent dans leur néant, comme ces bêtes fauves qui, après s'être rassasiées de sang, disparaissent dans des tanières dont l'obscurité les protège contre les poursuites des chasseurs. Après l'assassinat de Manda, les prétendus commissaires des sections jugèrent toute dissimulation superflue. Ils commencèrent par nommer Santerre chef suprême de la garde nationale. Puis, pénétrant dans la salle du conseil, ils signifient aux représentants de la commune qu'ils aient à céder leur fauteuil aux élus du peuple. De la municipalité légale, la commune insurrectionnelle ne conserve que 3 membres, Pétion, Manuel, Danton. Pétion, l'homme au cœur double, une des âmes les plus basses et les plus hypocrites de ces temps de malheur, Pétion qui fut le Pilate de la royauté, après en avoir été le Judas, n'avait pu se dispenser de paraître aux Tuileries. Fort mal accueilli des gardes nationaux fidèles, il s'était fait réclamer par ses affidés de l'hôtel de ville, auquel il avait recommandé de le faire consigner au plus tôt dans son hôtel. C'était un moyen de dégager sa responsabilité et de se tenir prêt à tout événement. Mandé sur ses propres instances à la barre de l'Assemblée, l'indigne magistrat, après avoir retracé dans un artificieux discours les périls imaginaires qu'il a courus, s'empresse de rentrer à son domicile où une force de 600 hommes, obéissant à des instructions secrètes, vint bientôt le retenir. Il était 4 heures du matin. Au château, la confiance était grande encore. Le roi, ignorant les événements accomplis à l'hôtel de ville, comptait sur les dispositions militaires de Manda, sur la fidélité des troupes et des hommes qui l'entouraient. Il y avait rassemblé sur le carrousel, dans les cours, dans les jardins, ou disséminés dans les appartements des Tuileries, 14 bataillons de la garde nationale, avec leurs canons, quelques compagnies de gendarmes à cheval, un régiment de Suisse, 200 gentilshommes environ, accourus au premier signal pour partager dans cette heure suprême les périls de la royauté. Mais la garde nationale était divisée d'opinions, les canonniers ouvertement hostiles, les gendarmes indécis, les gentilshommes désarmés. Louis XVI n'avait à son service qu'une force véritable, les Suisses. Ils étaient 900. Le nombre des insurgés devait bientôt s'élever à plus de 20 000. De toutes parts, on annonçait leur approche. Sur l'avis de ses ministres, le roi se décide à passer la revue des troupes postées dans le jardin et dans les cours. Quelques bataillons font entendre ce vieux cri de « Vive le roi !» qui fut si souvent un signal de salut. La plupart se taisent. D'autres crient « Vive la nation !» Plusieurs profèrent d'ignobles outrages. Le roi rentre désespéré, sentant que tout lui échappe. Le procureur général s'indigne du département Roderer, quelques représentants de la municipalité qui venait de sonder les dispositions des défenseurs du château, s'efforce de démontrer l'impossibilité de la résistance. Ils insistent pour que le roi et sa famille cherchent un refuge au sein de l'Assemblée, la seule chose qu'en ce moment le peuple respecte. Louis XVI hésite. Marie-Antoinette éclate avec indignation. « Je me ferai clouer au mur du château plutôt que d'en sortir » s'écrie-t-elle. Mais l'heure était pressante, le péril prochain. Déjà le flot de l'émeute, montant comme une mer furieuse, avait inondé le carrousel et battait les murailles. Roderer redouble ses instances. Le roi accepte avec résignation l'arrêt de sa destinée. « Marchons, dit-il, en donnant le signal du départ, il n'y a plus rien à faire ici. »